Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. Bonjour Greg Germain. Bonjour Savannah. Alors vous venez nous insuffler un vent de poésie en live pour notre dernière émission de cette édition avant le débat de demain sur la question de la mémoire du spectacle vivant. Je vais aujourd'hui vous lire une lettre que Patrick Chamoiseau, qui était un grand ami d'Édouard Glissant, comme je me flatte de l'avoir été aussi, lui a écrit après sa mort. Alors, cette lettre est une espèce de plein chant. Je vous laisserai trouver ce que signifie un plein chant. C'est presque liturgique, presque religieux, dans la mesure où c'est une ode à Édouard Glissant, mais aussi à l'œuvre d'Édouard. Sa première œuvre, celle qu'il a rendue le plus connue, qui est La Lézarde, qu'il a, avec ce roman, il a eu le prix Renaudot en 1958. Et dans cette lettre de Chamoiseau, que je ne vous lirai pas tout en entier parce qu'elle est un petit peu longue, il y a tout Glissant, tout ce qu'il a écrit, et ceux qui connaissent bien l'œuvre d'Édouard ou même certains livres d'Édouard reconnaîtront de quoi parle Chamoiseau. Mais c'est une poésie extraordinaire. Cher maître, la lézarde du pays réel a traversé la contrée des rocailles, notre vieille vallée des larmes, notre allée des soupirs. Elle a connu sans rémission le delta des ravages, l'océan des douleurs, puis de l'autre connaissance du pays des sans-chapeaux. Mais la lézarde du pays rêvé n'a jamais quitté les mornes. Elle n'a jamais cessé d'arpenter les hauteurs où l'ombre et la lumière sont d'une même intention, et jamais déserté la vigilance des cimes. C'est par cette exigence qu'il lui a été donné d'irriguer le pays, en fond d'oc et racine, de fréquenter le long secret des acacias, l'éternité des très vieux acomas, la soif de la rocaille du côté des salines, et cette angoisse qui sert d'humus au bois sans chêne des nègres marrons. Et c'est au vif de cette topographie devenue éminente, ces cannes à sucre et ces vieilles cases, la ruine des grandes usines, squelettes d'habitation, qu'elle a tramé une claire vision du monde, qu'elle a ramené le monde à l'alchimie du lieu, qu'elle a versé le monde aux circulations souterraines de l'igname et des bleutés de la Dachine. Si bien que pas une seule poussière de ce petit pays, pas une maille de ses misères ou de ses tragédies n'a pu nourrir le moindre enfermement, un quelconque renoncement, toujours l'espérance la plus haute, toujours le soleil, même fragile, de la plus haute conscience. Et c'est parce que son eau était de poésie, ses doumes et ses bassins de poésie toute pure, qu'elle a su faire vision, dégager des futurs, confier aux pupilles en alerte le scintillement des avenirs. La lézarde a aussi enfanté des poètes, ta distinguée poète. De Sainte-Marie à Lamantin, des Salines au Diamant, elle a laissé des souvenirs et toutes ses traces dont la fragilité forge la résistance et dont la brièveté éternise la durée. Je vois l'émotion dans les hauteurs de Bézodin, là où ta case originelle a disparu. Je vois cet amour du Lamantin au cœur des flèches violettes, dans les panaches maintenant invisibles des longues cheminées. Je vois cette écoute attentive des usines, jadis féroces, avalées par la rouille. Je vois aussi la plage ardente qu'il fallait chaque matin déchiffrer, et la confession du sable noir qui filtrait des volcans oubliés pour renverser la blancheur des coraux. Je vois les bains avec la chaussure bleue et le punch à préserver des mouches, le carême qui asphyxie le vieux ventilateur, le poisson rouge à écailler pour le bon courbouillon, et tes colères, tes mauvaises foi et l'amitié, et tes indignations, et encore tes colères et toujours l'amitié. Et surtout cette tendresse exigeante, flagellante et toute pleine d'oxygène, qui forçait le gibier à conserver le cap, sans une flatterie, ni un seul compliment, mais juste avec la manière du commandeur sublime. Maintenant, cher maître, j'ai l'impression qu'un acoma de 100 000 ans s'est effondré, qu'à Sainte-Marie, qu'au Lamantin et qu'ici au Diamant, et même dans chaque parcelle de cette fixe tragédie qu'est le pays réel, un pan de paysage s'est laissé envahir par cette brume des déroutes que craignent les pêcheurs et qu'il y a une solitude irrémédiable qui accable le guerrier. C'est la grâce des poètes que de ne jamais mourir. Cher maître, j'aimerais pouvoir chanter et me trouver une allégresse et rire encore de la vallée des larmes et ramener le comique de l'allée des soupirs. Mais il est quand même difficile d'envisager que plus personne ne te verra filer un pas de béguine à la manière ancienne, ou manier le citron et le sucre dans les 50 degrés de la fraternité. Là se trouve la grande peine. Là se tient la déveine la plus folle, celle qui n'a pas de paupières et qui nous fixe maintenant. Nous n'avons que la ressource d'en faire une beauté. Et dès lors, j'imagine la lézarde. J'imagine la lézarde. Elle dévale sans quitter les hauteurs. Je vois ses eaux refléter les magnolias de Faulkner, la rose de porcelaine qui jamais ne se brise, le sourire de Paul Niger au-dessus de l'avion. Je vois Prisca, Tikilik, Apocal, l'impatience coléreuse de Fanon, l'annonciation considérable que signifie Césaire, ces Indes inattendues qui surprirent Saint John Perse et le jasmin de Nejma parmi les acacias et le coucher de soleil sur la femme du diamant. Je vois Carthage et Carthagène, Vifredolam dans sa jungle verticale et Mata, Cardenas et Segui et ce bon Ségalène qui déchiffre l'errance. Je vois même Mycéa dont aucun mot n'a su nous rendre compte. Et si le vent souffle et que l'arbre du voyageur commence à me parler, cet arbre que tu as ressuscité lors du dernier cyclone, s'il te nomme, on me l'a dit, âme vivante du monde, et que tout un peuple de fromagers en assume l'écho, je leur dirai qu'il est probable que tu refuses ce signe, ou cet insigne, mais que moi, pour ma part, j'ai donné révérence depuis le chant du pipiri, et que depuis je n'ai jamais, jamais cessé, que la révérence a été affectueuse, et que maintenant, comme pour les vents qui viennent l'affection, toute l'affection restera révérente. Patrick Chamoiseau. Merci Greg.